Bamba na bokola. Nanu bokolite. Ouvrez les yeux. Voilà. C'est un nouveau zin, ça doit être que c'est pas lui. On est le malade à l'hôpital. Il a tâte de le nouveau, il est au Nanga, Ebola, Zoy, Schengen. Yama qui dans la bango. Sans effet. Qui nous dit la bango. Sans effet. Ma qui dans la mwanda. Sans effet, sans effet, sans effet, zéro. Faut que soit maillé l'été, Kangan Soto. Encore et toujours, Denis de production. Osalaka Pointe. Kana, sublime. Cette fois-ci, ça t'aura dit que c'est pas lui. Emmenez le malade à l'hôpital.